bientôt. Non mais on se rapproche du micro, c'est pas timide, ils faisaient les marioles avant. Fallait pas les inviter, Jesse Grave, ils ont fait tomber le verre sur la sono. Ça schlingue maintenant, mais c'est la folie quoi. Hey Jess. Mais bienvenue quand même les gars. Ça va? Ça va. Et Bekra? Ouais bien. Bon alors. Faites vachement moins les marioles. Bon, Cassius FM, Cassius FM, quatrième épisode. Et la dernière. Et c'est la dernière, donc plein de surprises. Attendez, on s'est quand même bien éclaté hier. On peut repenser un petit pensée. À Romain. À Romain qui n'est pas là ce soir. Ah, voilà, tu vois. Moi quand je viens, il n'y a pas. Et voilà, représenté par Lucia. Mais qu'est-ce qui se passe? Et Mehdi. Donc ce soir, et Thomas Juman. Ah ouais, les dames. Plein de jeux, plein de concours, des places à gagner pour tous les concerts. Ouais. Non, alors non, mais tu rigoles. Non, hyper important quand même, on est là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Pedro? Bon, on est là avant tout pour célébrer une fois de plus, je ne le répéterai jamais assez, mais la sortie. Oh, là, quand t'as fait je ne le répéterai jamais assez, on aurait dû mettre Capello. Ouais, entre non, c'est Romain le maître. Nicolas Sarkozy. Non, mais bon, la sortie de l'album Au rêve de Cassius, qui est sortie depuis lundi. J'ai les chiffres. 33 millions d'albums. Exactement, donc on approche. Continuez comme ça, on va bientôt s'acheter une belle maison. Et aussi, quand même, on prépare aussi demain Cassius à la loco au Club FG. Pour un set de 4 heures de police, d'art en platine, boom bass. On va mettre plein de DAT, on va s'éclater. J'ai amené toute ma collection de soul classique. Bon, ce soir, comment ça se passe un peu? Ce soir, Jess et Crabbe, ils vont jouer bien. C'est jazz. Qu'est-ce qui va commencer? Qui fait quoi? Qui va commencer? Vu que vous n'avez pas l'air trop en plouf. Plouf. Faisons un plouf. Ah, ok, d'accord. Allez, vas-y, Rossia. Plouf, pour savoir qui va commencer, quoi. Vas-y. Une vache qui pisse, c'est ça? Non, je sais plus. Oh, alors, je n'en ai pas, moi, ça. C'est pas votre truc. Crabbe. Vas-y, Crabbe. Plouf. Ah ouais. Amstram, plouf, plouffé. Ah, mais il faut pointer, tu vois. Ok, c'est bon, Philippe qui a gagné. Vous m'avez tous saoulé là. C'est Philippe qui a gagné, il va enchaîner direct avec des disques là, vous m'avez saoulé. Bon, vas-y. On va commencer avec Kefir David's Words, un grand classique des années 75. Don't come easy. Voilà, c'est ça. Je vais enchaîner avec Salvatore Adamo. Monte le son. C'est Cassius FM. Ah oui, c'est quoi Rossia ça? Ça me rappelle plein de trucs, c'était merveilleux, ça c'était des rêves, tout ça, on a arrêté de danser. Mais ouais, c'est que du Mousinor ça. Allez. Ah ouais, au moins. Ça c'est Jean Mousinor sur le label. Allez, il veut qu'on arrête de parler ça. Allez. not a perfect love, but hey, I was dependent. Cause I believe in what God has intended. We got a love so strong. It's not over between you and me. It's not over, I don't want to be free. I'm not afraid to quoi, j'adore. Oh là là là là, ils vont assurer les Cassius. Hein. Non, c'est là-bas. The Sound of Violence. C'est pas le truc. I feel like I wanna be. Allez, tous ensemble. I love you. When the sun goes down. On va laisser chanter Steve Edwards, c'est meilleur que nous. Cassius FM. Chicago, ça, ou... Je crois que c'est de la région de Chicago, non? Hein? C'est un truc de l'Illinois, ça, non? Ouais, je crois que c'est un truc de Chicago, du sud de Chicago, là. Yeah, South Ghetto. Shake it, baby. Bon, là, je crois que c'est un petit passage de pub. Il y a un petit passage de pub, ou il y a encore du temps? Yeah, du bon son. Ok. Ouais, c'est DJ Dion sur Dance Mania. Voilà. Voilà. Vas-y, Bebe alors. Bebe, ouais. Qu'est-ce que tu disais? Je disais que c'était DJ Dion sur Dance Mania. C'est bon ça. On en a, on a déjà parlé de la Booty hier. Ça met tous les jours. Ce soir, on en met beaucoup. Booty Man. Booty Man Power. On a cherché dans les caisses. Bon, Jesse Crab. Ouais. Bon, on va avoir le dispatcher. Ah, on enchaîne ça? Non, il y a cette pub là. Je sais, après, au retour de la pub. Bon, retour de la pub, on enchaîne sur un disque préféré de Roussia, Cassius FM 98.2. C'est maintenant la pub là? On a le temps, est-ce qu'on a le temps encore? Non, non, non, apparemment, on n'a rien de temps. Bon, bah, on lance la pub, Hubert. Roussia, t'es prête avec ton petit disque préféré ou quoi? C'est la pub. Je suis calé là. Bon, c'est Hubert, c'est l'anti-mondialisation, on dirait que ce soit lui qui lance la pub. Vas-y, lance la pub, Hubert. Fais chier la pub! 20h minuit, Paris DJ Radio. Ton forfait, soirée week-end. C'est FG. Attention, événement. Pour la première fois en France, une radio ouvre son club, le club FG. Avec les plus grandes pointures internationales et le DJ de la Dream Team FG. Ouverture le 4 octobre. Avec en exclusivité totale, les Cassis, à l'occasion de la sortie de leur nouvel album, Au Rêve. Accompagné des DJ résidents FG, Didier Sinclair, Fex, Freddy, Greg Dimano et Fabrice Mondor. FG, number one in Paris. Le FG, c'est tous les vendredis à Tloco, 90 boulevard de Clichy, Paris 18e, retransmis en intégralité sur FG. Tu aimes ta radio? Son club, tu vas le kiffer. Bon, ben j'y vais. Attendez. Oui? Il manque 1 euro pour le jeu de pommes. Ah oui, mais regardez, j'ai bu que la moitié, donc je paye 1 euro. Pardon? Oui, j'ai bu la moitié de mon verre, donc je paye la moitié. C'est logique, non? Et la moitié de la plonge, ça vous dirait? Allez, on peut discuter. Pour les petits problèmes d'argent, à la Société Générale, c'est simple. Les jeunes ne paient pas d'agio jusqu'à 460 euros de découvert. Offre dans les limites contractuelles de la convention PAC Jeunes. Société Générale, si on en parlait. Nouveau au studio 287. Chaque premier samedi du mois, retrouvez la soirée de Sound. Samedi 5 octobre, le studio 287, l'équipe de The Sound et leur résident Blaise recevront le célèbre DJ producteur new-yorkais Sandy Rivera des Kings of Tomorrow, ainsi qu'Arnaud Le Textier du label Kailash Records. Ne ratez pas l'événement The Sound, samedi 5 octobre, suivi dès 6h de l'After Kit Kat Forever. Le studio 287, 33 portes d'Aubervilliers, Paris 18e. Taxi déductible sur l'entrée à hauteur de 10 euros. Eyes on Tokyo. Eyes on Tokyo, les meilleurs artistes japonais réunis sur un même album par Dara Singh. Eyes on Tokyo, une sélection électronique essentielle avec Supa Kappo, Dimitri from Tokyo, Ryuichi Sakamoto, Joe Hisashi. Le Queen Radio FG MTV présente le premier vendredi de chaque mois, Koshak, DJ set all night long. Première soirée de la saison, le vendredi 4 octobre, à quelques mois de la sortie de leur album. Koshak DJ 7, c'est au Queen, vendredi 4 octobre. Le Queen, 102 Champs-Élysées, Paris 8e. Plus d'infos sur queen.fr, un événement Radio FG. Oh, vous êtes là? Alors écoutez bien, avec TéléZ, devenez l'invité privilégié de Star Academy. Vous pourrez assister en direct aux émissions, rencontrer vos stars préférées, découvrir les coulisses et même assister aux répétitions. Et c'est pas tout, les plus chanceux pourront aussi se rendre au château et rencontrer les académiciens. C'est énorme, non? Vous pourrez aussi gagner des boîtes du jeu officiel de la Star Academy. Alors, rendez-vous dans TéléZ chaque lundi pour vivre des instants de rêve avec la Star Academy. Offre réservée aux humains. Et Giraldo présente Locotron Made in Barcelone. Vendredi 4 octobre, à partir de minuit, l'ambiance de feu des nuits espagnoles embrasse le Folies Pigalle avec les DJ Tito et Camus. Warm Up by Costa. After Lux, dès 6h avec Brains. Locotron, vendredi 4 octobre, c'est au Folies Pigalle, 11 place Pigalle, Paris 9e. Sa fille est hallucinante. Elle a décidé de s'éclater toutes les nuits. Elle ne dort jamais. Elle nous dit qu'elle voyage et qu'il faut savoir profiter de la nuit. Elle dit aussi que quand on dort, on rate le meilleur. Elle est tellement... Vous aimez la nuit et vous êtes étudiant? Noctambule double vos heures d'internet la nuit. Double vos heures. Renseignez-vous sur wenadu.fr dans votre agence France Télécom, un magasin spécialisé au 0810 04 0506, prix d'un appel local, offre soumise à condition. Wenadu, positive génération. Wenadu, une marque de France Télécom. React, FDJ et Radio FG présentent Jeff Mills at First Sight. Un album visionnaire, oscillant entre science-fiction et pulsion dramatique. Dans le plus pur style du 8 arts de Détroit. Sight, le nouvel album de Jeff Mills est enfin disponible. Radio FG et Positiva présente Velvet, l'autre clubbing. Samedi 5 octobre, Velvet Ultraviolet fête la sortie de l'album L'Autre Clubbing, le meilleur du son Velvet mixé par Fabrice Clément. Le 5 octobre, il reçoit Oscar et Cheers de Dinos Records et Electronic Data Processing du label Modélisme. samedi 5 octobre, la soirée officielle de lancement de l'album Velvet, c'est à la Galerie, près du Palace, 161 rue Montmartre, métro Grand Boulevard. Un événement Radio FG. This is the beginning. Soirée FG, la fête.